Merci Père de gloire pour ses soeurs et pour ses frères. Nous prions, Dieu de gloire, que Dieu, que les séductions de l'ennemi, les pierres et les rouages de l'ennemi, nous prions, Dieu de gloire, Seigneur, que tu les préserves. Préserve-le, ô Dieu de gloire, de ses chutes. Préserve-le, ô Dieu de gloire, de ses chutes. Préserve-le, ô Dieu de gloire, de la séduction qui se vit maintenant et amène-le toujours à toi. Révèle, ô Dieu de gloire, ta parole. Donne-le de vivre ta parole de façon irrépréhensible. Garde-les saints et irrépréhensibles, Seigneur Dieu de gloire. Préserve-le du mal, Père. Préserve-le, Père de gloire. Préserve, ô Dieu de gloire, leur cœur. Préserve, ô Dieu de gloire, leur vie. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, ô Père de gloire, que tu les ramènes à toi. Au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour deux frères. L'un est en Guinée-Conakry et l'autre, il est au Bénin. Nous allons prier pour le frère Aubin Olivier Delamou en Guinée-Conakry. Le frère Aubin Olivier Delamou en Guinée-Conakry. Et puis le frère Joseph Valéry qui est au Bénin. Nous allons prier pour ces deux. Que Dieu le conduise dans la vérité et que quel que soit le questionnement qui se pose au sujet des enseignements de la Bible, que Dieu lui-même réponde à leurs préoccupations. Prions, prions pour les deux. Père, je te présente, au Dieu de gloire, le frère Olivier, le frère Aubin Olivier Delamou. Nous prions, au Dieu de gloire, au Dieu pour ces deux frères. Ô Père, des questionnements certainement se passent dans leur esprit, dans leur cœur. Et qui peut mieux répondre aux questions de l'être humain que toi? Seigneur, révèle-toi toi-même à eux. Seigneur, nous amène, au Dieu de gloire, ces deux frères entre tes mains. Nous prions, au Dieu de gloire, Seigneur, que tu les ramènes à toi par les réponses. Accorde-leur les meilleures réponses, au Dieu de gloire, qui pourra satisfaire à leur envie et les conduire à salut. Seigneur, donne-leur, au Dieu de gloire, de comprendre toutes les questions qu'ils ont posées, que toi tu as la réponse, pas un homme. Et puis, au Père, que tu les conduises dans la vérité. Conduise-les dans toute la vérité, Père. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit élevé. Au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci au Dieu de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour trois personnes encore, trois frères. Ceux-ci sont en France. Le frère Hervé Oum en France. Le frère Wilfranc Mwandengo en France. Mwandengo. Donc le frère Hervé Oum en France. Le frère Wilfranc Mwandengo. Puis le frère Paul Epaphras. Ils sont tous en France. Prions que Dieu les conduise dans la sainte doctrine et que Dieu leur donne de ne point se compromettre sur n'importe quelle partie des vérités qu'ils ont assimilées. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente, ô Dieu, mon bien-aimé frère Hervé Oum en France, le frère Wilfranc Mwandengo et puis le frère Paul Epaphras. Seigneur Dieu de gloire, ces bien-aimés pères qui ont suivi ta parole et qui, ô Dieu de gloire, ont cru à ta parole. Ils n'ont pas cru à un homme et c'est toi qui les as conduits dans la vérité jusqu'à maintenant. Nous te présentons, ô Dieu de gloire, ces bien-aimés afin que, quel que soit le domaine de la vérité qu'ils ont pu appréhender, qu'ils ne se compromettent point. Tu connais, ô Dieu de gloire, les angoisses de leurs âmes. Tu connais, ô Dieu de gloire, les péchés qui m'amènent de temps en temps. Mais Père, tu es le Dieu qui révèle toutes les choses, que tu mets les choses cachées à l'existence. Seigneur Dieu de gloire, tout ce qui est caché, les ténèbres dans nos vies, Père de gloire, que ton esprit, ô Dieu de gloire, dévoile et nettoie cela. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour ces bien-aimés frères afin que tu leur donnes de vivre la vérité, de vivre la parole, de vivre, ô Dieu de gloire, les vérités que tu leur as accordées. Et que quel que soit ce que tu vas leur donner, Père de gloire, qu'ils y marchent sans savoir, ô Dieu de gloire, si ça plaît aux gens ou pas, mais qu'ils restent dans la ligne droite de la sainte doctrine. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, donne au Dieu de gloire à tous ces frères bien-aimés qu'ils vivent ta parole sans exception, qu'ils vivent au Dieu de gloire la sainte doctrine sans se compromettre, même si au Dieu de gloire ça ne plaira pas au Dieu ou même membre de leur famille. Au Père de gloire, j'ai prié pour chaque membre de leur famille, de leur foyer, de leurs travaux, de leur école. Viens au Père de gloire et sois le Seigneur, le directeur, le conducteur de toute leur vie. Soutiens-les au Père de gloire dans leurs pensées, dans leur âme. Que tout ce qui n'est pas de toi dans leur âme, Seigneur, soit enlevé. Et que ta grâce et ta faveur le suivent partout. Que leur âme en s'en réjouisse en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Merci Père de gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Romari César Mbacha. Le frère Romari César Mbacha au Canada. Puis le frère Francis Ngefak en Côte d'Ivoire. Nous allons prier pour, particulièrement pour le frère Romari César Mbacha, pour que la vision que Dieu lui a mise sur le cœur par rapport à son œuvre, qu'il veille à s'atteler à l'accomplir parce qu'il n'y a plus de temps. C'est-à-dire qu'il exécute promptement les choses que Dieu lui a mis sur le cœur à faire. Prions que Dieu lui donne la promptitude à réagir face à sa parole et de vivre irrépréhensible dans ce pays des blancs où il est parti, dans ce pays, au Canada, là où il est parti. Prions pour le frère Romaris César Mbacha et Francis Ngefa. Prions. Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te présente le bien-aimé Romaric de César Mbacha. Père de gloire, tu connais le pays dans lequel il est et tu connais ce que tu as mis sur son cœur. C'est toi qui as allumé les yeux de son cœur, Père de gloire, pour servir dans un domaine bien particulier. Voilà pourquoi, Père de gloire, je prie, Père, que tu lui donnes, oh Dieu de gloire, l'audacité de te servir et la vivacité dans ce domaine-là. Je te le présente, Père de gloire, afin que tu lui donnes de comprendre la gravité de l'heure et la promptitude à réagir face à ton appel. Qu'il ne renvoie point à demain les œuvres que tu veux qu'il fasse maintenant. Je prie, oh Dieu de gloire, que tu lui donnes, oh Dieu, la vivacité, la promptitude dans l'œuvre, que ça soit subit, Père de gloire, que ce soit continuel également et permanent, Père de gloire, et qu'il ne soit pas endormi, Père de gloire, par ces séditions dans ce pays-là, Père. Seigneur, tu connais l'ignominie, l'abomination et les choses qui se passent là-bas dans ce pays, le Canada. Les lois qui sont votées en conformité à la loi antichrist, au détriment de la parole éternelle du notre Seigneur. Père, je prie, oh Père, que tu préserves ce frère, sa famille et tous ceux qui sont là-bas, les chrétiens qui sont là-bas. Donne-leur de vivre, oh Dieu de gloire, saint et irrépréhensible au-devant de toi. Je prie par-dessus toutes choses, Père, que tu donnes à ce frère, le frère Romaris César Mbacha, de faire ton œuvre, Père de gloire, avec abnégation, qui travaille avec certitude, Père de gloire, de toi. Donne-lui, oh Dieu de gloire, de comprendre que c'est toi qui lui mets ces choses à cœur, mais qui commence afin que tu puisses, oh Dieu de gloire, œuvrer au travers de lui. Je prie pour le frère Francis Ngefak, Père de gloire, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Je prie au Père de gloire que tu illumines les yeux de son cœur, afin que, quand il a mis la main sur la charrue, qu'il ne regarde point derrière, qu'il ne regarde pas à la religion de ses pères, qu'il ne regarde pas, oh Dieu de gloire, à la compromission qui pourra ne plus être poussée dans sa vie par rapport à ses parents, mais qui continue à la sainte doctrine. Et qui suivent, oh Dieu de gloire, la voie de la sainteté, la voie de la sanctification que nous donne la parole. Je prie au Père de gloire que tu lui donnes de vivre la parole telle qu'elle est donnée dans la Bible. Qu'il ne fasse point de philosophie et ni de faux de raisonnement en se trompant lui-même, Père de gloire, par des faux discours, mais qu'il se mette à l'œuvre en suivant ta parole dans la sainteté. Merci pour les frères Romaris César Mbacha et pour les frères Francis Ngefak de la Côte d'Ivoire et du Canada. Merci Seigneur parce que tu le fais pour eux. Merci parce que tu exauces notre prière. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour le frère Alain Bito. Pour le frère Alain Bito et pour le frère Benjamin Ewane. Le frère Alain Bito et le frère Benjamin Ewane. Ils sont tous en Espagne, en Madrid particulièrement. Nous allons les présenter afin que l'œuvre que Dieu a commencée dans leur vie, même si c'est difficile n'importe comment, qu'ils comprennent que c'est l'œuvre de Christ et que c'est comme ça que tous les chrétiens traversent par là. La Bible déclare tout à l'heure dans ce 1 Pierre que nous avons lu que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde entier. Donc prions pour les frères Alain Bito en Espagne et pour les frères Ewan et Benjamin, que Dieu leur donne la force de pouvoir tenir dans les différentes épreuves auxquelles ils doivent être soumis sans se compromettre. Prions pour eux. Seigneur notre Père, Dieu et notre Roi, en ce moment nous te présentons les frères Alain Bito et Benjamin Ewane, qui sont en Espagne. Seigneur, tu connais la vie qu'ils sont en train de mener, qui ont accepté ta parole. Tu connais, Seigneur notre Dieu, notre Roi, la vie qu'ils mènent. Tu connais les situations difficiles qu'ils traversent. Nous te prions que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes de leur entourage, quels que soient les épreuves qui sont en train de toi, tu le conduis à toi. Donne-leur de tenir ferme. Donne-leur la patience. Donne-leur la foi nécessaire pour s'en sortir. Seigneur notre Dieu, de tenir ferme dans la vérité. C'est toi-même qui les as choisis. Et lorsque tu choisis quelqu'un, tu lui donnes la force. Seigneur notre Dieu, que ton nom se soit élevé. Éloigne de la compromission. Éloigne de la faiblesse. Éloigne de le découragement. Éloigne de, Seigneur notre Dieu, notre roi, la faiblesse. Mais donne-leur au Père de gloire d'avoir le regard sur toi. Toi, le chef et le consommateur de notre foi. Donne au Dieu de gloire qu'ils comprennent que Jésus est le Seigneur et le Sauveur. Qu'ils comprennent au Dieu de gloire que Jésus est vivant, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Qu'il est capable de les faire traverser dans toutes les vagues des difficultés. Qu'il est capable de les faire traverser dans tous les vents, au Dieu de gloire, des difficultés dans cette vie-ci. Nous prions et nous remercions au Dieu de gloire parce que tu l'as accompli pour le frère Bito Alain et pour le frère Ewan et Benjamin. Au nom tout puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier pour le frère Yannick Jonko en Suisse, que Dieu continue à l'utiliser selon sa grâce, selon sa portion qu'il a déversée dans sa vie. Amen. Amen. Prions que Dieu continue à utiliser le frère Yannick Jonko et que tout ce qu'il fait vienne du Seigneur. Que Dieu utilise tout cela pour amener à lui tous ses enfants. Amen. Amen. Prions pour le frère. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous venons au Dieu devant toi avec le frère Yannick Djonko. Seigneur, nous prions, Dieu de gloire, que la mission que tu lui as confiée, que tu l'utilises dans ce domaine-là, Dieu de gloire, pour ramener ses enfants à toi. Fortifie-le, Seigneur, Dieu de gloire, et accorde-lui davantage la sagesse. Accorde-lui, au Dieu de gloire, davantage la sagesse, afin qu'il fasse l'œuvre à laquelle tu l'as appelé. Je prie, au Dieu de gloire, que tu veilles sur lui, que tu veilles sur sa pensée, que tu veilles sur son cœur. Tu veilles sur sa vie, sur sa famille. Je prie au Dieu de gloire que tu combles sa famille des bénédictions. Je prie au Père que tu amènes toute personne au Dieu de gloire dans ton entourage, toute personne que tu as destinée pour lui, au Dieu de gloire, de venir au travers de ses enseignements. Je prie au Père de gloire que tu les ramènes à toi. Je prie au Dieu de gloire que tu lui donnes au Dieu de gloire de prêcher toujours la sainte doctrine au nom du Seigneur, au Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tu veilles sur ses lèvres. Je prie que tu veilles sur ses corps, que tu veilles sur son corps, son cœur, que tu veilles sur ses regards, que tu veilles sur lui et sur tout l'enseignement qu'il dispense au nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. C'est pas encore terminé. C'est pas encore terminé. Nous allons prier pour le frère Alain Patrick Ngandimon, le frère Jean-Paul Larson et le frère Patrick Sop. Que Dieu leur donne de comprendre les Écritures à la manière de Dieu et de prêcher les Écritures à la manière du Saint-Esprit. Prions pour ces trois-là, Alain Patrick Ngandimon, Jean-Paul Larson et Patrick Sop. Prions. Seigneur notre Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te présentons Alain Patrick. Nous te présentons Patrick Sop. Nous prions pour Jean-Paul. Nous te présentons Jean-Paul. Donne-les la compréhension de les Écritures, Seigneur. Donne-les la compréhension de la révélation de la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ô Père, donne-les aussi de dispenser ces Écritures, ô Dieu de gloire, que tout ce que tu as, c'est l'Esprit qui va le dispenser. Tu as dit que le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à toi, il va dispenser. Nous prions, Dieu de gloire, Seigneur, qui dispense, ô Dieu de gloire, la chose de l'Esprit. Que le Saint-Esprit, ô Dieu de gloire, le conduise dans la vérité. Que le Saint-Esprit le conduise dans la vérité, la révélation de ta personne, Père. De la révélation, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te présente le frère Patrick Sop. Je te présente, ô Dieu de gloire, le frère Alain Patrick Ngandimon. Que tu veilles sur leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Veille sur leur cœur, veille sur leurs lèvres, veille sur leur famille. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, partout où ils étaient refroidis, Père. Réveille-les. Seigneur, tu connais exactement le refroidissement qui est dans ce domaine-là. Je prie au Père de gloire, je présente au particulièrement le frère Patrick Sop. Que tu le réveilles. Que tu le réveilles, lui et sa famille. Oui, Père de gloire, l'audacité de la puissance du Saint-Esprit, que leur salaire soit accordé. De même que le frère Alain Patrick Gadimo et tous ceux qu'il dirige. De même qu'avec le frère Jean-Paul Larson, que tu le ramènes, nous te le ramenons à ton hôtel maintenant. Que tu le conduises avec tous ceux qui suivent maintenant, au Père de gloire, à toi, à la parole de la Bible. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour Georges Nama de Jésus-Christ Télévision. Nous allons prier pour Georges Nama de Jésus-Christ Télévision, lui et sa famille. Il y a une vision que j'ai déjà racontée à ma femme. Je ne sais pas si vous avez parlé par rapport à lui et ce qui va arriver ici. D'accord? Nous allons prier que Dieu le ramène à l'ordre. Donc, nous allons prier pour lui que Dieu le ramène à l'ordre. D'accord? Souvenez-vous, je vais vous raconter la vision que j'ai eue de lui ici. Nous allons prier que Dieu le ramène à l'ordre. Amen. Prions que Dieu le ramène à l'ordre. Tout simplement, prions pour lui. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te présentons Georges Nama, que tu connais mieux que nous-mêmes. Nous te prions pour lui et pour sa famille. Seigneur, nous te prions pour que toi-même tu le ramènes à l'ordre. Comme il a commencé, Seigneur, ramène-le. Parce que depuis un certain temps, Seigneur, il se défie par des doctrines nouvelles, par un zèle amer, par des choses, Seigneur, que nous ne comprenons plus. Nous te prions, Seigneur, notre Dieu, et nous savons que ta main est devant lui. Seigneur, nous te prions de le ramener à l'ordre. Parce que de lui-même, il ne peut rien faire. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde, protège-le, garde-le, ramène-le à la sainte doctrine et qui te parle que de ce qui vient de toi. Au nom tout puissant du Seigneur. Que toute autre voix se ferme. Seigneur notre Dieu, aie pitié de nous. Seigneur, qui comprenne qu'on ne te sert pas avec la chair, mais pas ton esprit. Qu'il ne soit plus que l'évangile n'est pas l'évangile blasphème. Que ce n'est pas seulement les insultes. Que ce n'est absolument pas les insultes. Seigneur, tu as dit dans ta parole que les intelligents doivent avoir des querelles. Qui doivent être condescendants pour tous, être propres à enseigner, pas insulter. Seigneur, je prie au Dieu de gloire que tu le ramènes à l'ordre. Nous te présentons sa famille. Nous te présentons sa pensée, nous te présentons sa vie, Père de gloire. Ô Dieu de gloire, ramène-le à toi. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié dans sa vie. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prier pour la sœur Claire Anneau. Nous allons prier pour la sœur Claire Anneau. Nous allons présenter sur deux ans que Dieu la délivre de l'esprit de divination. Que Dieu la délivre de l'esprit de divination. Un. De deux, que Dieu la ramène de la séduction dans laquelle elle s'est vautrée avec la collaboration avec les églises infestées du Nigeria. Que Dieu la ramène dans de cette collaboration-là. Elle aime véritablement le Seigneur, mais elle a été séduite. Et elle a cet esprit de divination. Prions pour elle. Que Dieu la ramène à lui-même. Amen. Amen. Sur la base de son amour pour elle. Prions. Prions. Prions. Prions. Seigneur notre Dieu, prions. Notre Père. Tu connais la sœur Andoum Claire. Seigneur Dieu de gloire, nous te présentons ta fille Andoum Claire. Seigneur Dieu de gloire, cet esprit de divination. Cet esprit de divination, nous la dénonçons maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu la délivres toi-même de cet esprit de divination. Seigneur, cette séduction, au Dieu de gloire, que l'a infestée, au Dieu de gloire, les églises du Nigeria. Ces églises abominables, infestées par des domaines sataniques, au Dieu de gloire, qui l'ont infestée et l'a ramenée à ses détournés de la chose que tu lui as apportée. Nous te prions, nous te la présentons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te présentons au nom du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout puissant du Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'approchons. Nous te prions que ton nom se soit élevé au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Nous allons prier principalement maintenant. Souvenez-vous de tout ce que je vous ai dit ici les dernières fois pour les chrétiens qui se trouvent dans le territoire des États-Unis. La compromission que Satan a amenée et a entraîné l'Église là-dedans. Les fausses doctrines qu'on a, souvenez-vous tous là, c'est ça, collé des États-Unis. Prions donc pour tous les chrétiens des États-Unis. Que Dieu protège les siens là-bas pour ces cataclysmes qui vont arriver là-bas. Prions pour tous les chrétiens des États-Unis. Que ceux qui étaient endormis, que Dieu les réveille. Que Dieu les réveille afin qu'ils soient prêts. Et que Dieu met au large tous ceux des siens qui vont être protégés, comme il a mis au large Lot, Noé et autres. Prions pour chacun de pères. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions Dieu pour nos frères dans le pays des États-Unis. Seigneur, quel pays compromis, quel pays vraiment abominable, quel pays, ô Dieu de gloire, qui se livre à des idolâtries, à des choses, des vices qui sont contre nature. Seigneur, mais tes enfants s'y trouvent exactement comme les enfants d'Israël se trouvaient exactement du côté de Babylone. Seigneur, tu as toujours le reste là-bas. Nous te présentons donc les frères bien-aimés dans tous les pays, dans tous les États des États-Unis, tous ces frères dans le monde entier qui sont compromis, qui se trouvent là-bas, tous ces chrétiens qui vivent leur vie comme si tu n'étais pas la paix, nous prions au Dieu de gloire que tu les réveilles. Seigneur, ces châtiments qui en est d'arriver sur les États-Unis, nous prions au Dieu de gloire que tu préserves les siens. Réveille tes enfants, Seigneur, par les différents messages. Réveille-les au Dieu de gloire et donne-leur des vivres à la sainteté. Mets au large au Dieu de gloire tes ennemis comme tu as toujours préservé tes enfants partout dans le monde entier. Seigneur Dieu de gloire, nous prions au Dieu de gloire pour les églises aux États-Unis. Nous prions au Père de gloire que tu les fortifies, que tu ranimes les églises aux États-Unis. Que tu donnes à tes enfants là-bas de prêcher la sainte doctrine, de demeurer ferme à ta parole, de prêcher la vérité. Que tous ceux qui étaient compromis dans la sexualité, dans l'homosexualité, la pédophilie, dans la cupidité, Seigneur, délivre de ces esprits magnifiques. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, préserve tes enfants, Seigneur de gloire. Montre-leur, Dieu de gloire, la gravité de ces choses qui arrivent aux États-Unis. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom tout-puissant du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Demandez au Seigneur que nous voulons vivre le temps de rafraîchissement pour l'Église. Amen. Que Dieu lui-même ranime l'Église afin que les dons spirituels se manifestent dans l'Église au travers du monde entier. Amen. Prions, frère. Prions. Demandons-lui cette rosée. Seigneur, tu as dit au Dieu de gloire dans ce livre d'Isaïe que notre rosée, le rosée est une rosée vivifiante. Que la rosée vivifiante soit accordée pour l'Église. Puisque tu as dit que nos morts vivent. Ô Seigneur Dieu de gloire, accorde-nous au Dieu de gloire cette rosée vivifiante que tu as promise pour cette terre. Seigneur, que les temps de rafraîchissement, cette rosée que tu as promise pour cette terre, pour l'Église de racheter. Ô Père, que je donne cette rosée-là pour cette époque. Que cette rosée que tu as promise pour nous, Seigneur, le Père. Seigneur, accorde-nous des rosées, Père de gloire, pour ce temps de rafraîchissement de l'Église. Ô Père, que les dons spirituels soient accordés pour l'Église. Afin, au Dieu de gloire, que nous marchions dans la puissance du Saint-Esprit. Que la rosée vivifiante, comme tu l'as dit dans Ésaïe 26, Seigneur, vienne pour l'Église. Merci, Père. Merci, Dieu. Merci, Père du ciel. Merci, Jésus de Nazareth. Nous croyons que tu l'as le fait pour nous, parce que tu l'as promis pour cette heure. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Dieu du ciel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que la promesse est pour nous. Merci, au Dieu de gloire, parce que la promesse est pour nous. Merci pour cette promesse que tu as faite à l'église. Merci pour la rosée vivifiante que tu verses pour l'église en ces temps. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci pour les dons spirituels que tu restaures dans l'église. Merci au Dieu de gloire parce que la puissance du Saint-Esprit se fera encore connaître sur la terre de façon inouïe. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Amen. Amen. Nous allons prier pour notre bien-aimé, le frère Iba Bamba, Bamba Iba, que vous connaissez d'ailleurs, qui était ici au milieu de nous, n'est-ce pas, bien-aimé? Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur se manifeste puissamment dans sa famille et que le désir de son cœur et le désir du cœur de sa femme soient comblés. Prions et intercédez parce que Dieu va utiliser notre prière pour faire des grandes choses dans sa famille. Prions pour lui. Père, au nom de Jésus-Christ, je te présente au Dieu de gloire le serviteur, ton serviteur à toi, le frère Iba Bamba. Je te présente au Dieu de gloire sa femme Claire Bamba, ses enfants Grâce Elie et Dalila, Davina. Je prie au Père de gloire, tu connais le besoin de ces foyers. Tu connais au Dieu de gloire le désir ardent de leur cœur. Tu connais au Dieu de gloire ce que les langues en ont dit par rapport particulièrement au frère Bamba, de ce qui arrive à son enfant. Je prie au Dieu de gloire que Seigneur, que ses ennemis soient dans la confusion lorsque tu vas manifester ta puissance. Voilà pourquoi nous devant toi avec cette assemblée, nous portons au Dieu de gloire le frère Bamba Iba, sa soeur, sa femme Claire Bamba et ses deux enfants entre tes mains devant le trône de grâce afin que nous trouvons miséricorde au Dieu de gloire devant ton trône, que ta miséricorde parle en sa faveur. Au Dieu de gloire, nous venons au Dieu de gloire avec des supplications, avec des actions de grâce, Père de gloire, parce que nous savons que tu l'accomplis pour nous. Nous prions au Dieu de gloire et nous amenons cette famille devant ton trône, que l'ennemi ne n'est point au Dieu de gloire à se moquer, que les réalités de l'ennemi se tourne en dérision, mais que la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ vienne s'éclate dans cette vie, que la gloire de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant vienne dans cette vie, la paix, et que ton nom se soit élevé lorsque les lèvres vont chanter des cantiques nouveaux par rapport à tout ce que tu as fait dans leur vie. Nous allons célébrer et exalter au Dieu de gloire la gloire, les splendeurs de ta magnificence dans leur vie. Nous prions au Père de gloire que tu déverses ta puissance afin qu'ils te servent toujours et pour toujours. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous allons prier donc pour les chrétiens dans les quatre coins du monde, les restes des chrétiens, tous ceux qui vont nous écouter, tous ces frères-là, qu'ils comprennent que nous ressentons les mêmes choses qu'ils ressentent comme épreuve, comme persécution, comme douleur de l'enfantement, Amen. Comme persécution dans tous les domaines de la vie, sociale, religieuse, politique. Qu'ils comprennent que nous sommes de tout cœur avec eux, que nous prions. Donc prions donc, quels que soient nos frères bien-aimés, qui est membre du même corps que nous, qui souffre dans le monde, dans quelques domaines que ce soit que nous ne connaissons pas, Jésus le connaisse. Nous prions que Dieu vienne en aide pour chacun, que Dieu leur donne de tenir ferme dans la voie de la vérité. Amen. Parce que notre délivrance est proche. Prions pour chacun d'eux. Seigneur notre Père, nous te présentons chaque chrétien. Parce que c'est toi qui as permis que nous passions des étapes. Nous te présentons au Dieu, gars. Nous te présentons aux frères dans le monde entier qui sont en train de traverser les mêmes étapes. Tu les connais, chacun de tes enfants. Seigneur notre Dieu, nous te prions. Seigneur, que nous ne cessions au Dieu de gars d'élever ses frères, ses sœurs dans le monde entier entre tes mains. Tu connais les difficultés. Tu connais les pièges de l'ennemi, les tentations que Satan soumet chacun de tes enfants. Nous prions au Dieu que tu lui donnes la force. Délivre chacun de la tentation. Délivre chacun de ses cœurs. Et pousse chacun au Dieu de gloire à avoir les regards fixés vers le ciel. Que nos regards soient délivrés du matériel, des choses de cette terre, et être fixés dans les choses célestes, dans la partie intérieure où Christ est assis à la droite de Dieu. Seigneur, soutiens chacun de tes enfants. Ceux qui sont faibles maintenant, alors que nous prions, Père, soutiens-les. Ceux qui passent par des difficultés, ceux qui bagarrent encore avec le péché, Seigneur, libère-les. Délivre-les du péché. Ceux qui, au Dieu de gloire, vivent dans leur famille et on les oppresse. Nous prions au Dieu que tu les viennes en aide. Tous ceux, au Dieu de gloire, qui, au Dieu, ont reçu l'appel de te suivre et qui ont reçu au Dieu de gloire les chocs dans leur vie parce qu'ils n'étaient pas préparés. D'autres ont été chassés de leur famille, d'autres ont été au Dieu de gloire chassés de leur travail, mais ils ne comprennent pas, Père de gloire, parce qu'ils n'entendent pas ta voix. Et beaucoup d'entre eux doutent pour savoir si c'est toi qui les as appelés, Père. Nous prions que tu les fortifies, que tu les ramènes, Père de gloire, petit à petit dans le terrain d'entraînement, des formations que tu donnes à chacun de nous. Nous prions au Dieu de gloire de tout notre cœur que les frères et sœurs dans le monde entier qui passent par cette difficulté comprennent que nous sommes de tout cœur avec eux. Et que quand bien nous ne sommes pas encore vus des visages, Père, que nous les connaissions, parce que toi tu nous connais avant tout le monde. Père, parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Que l'amour, au Dieu de gloire, que tu as déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, soit également de même pour eux. Et que bien plus, Seigneur de gloire, qu'ils aient le regard fixé sur toi, que tu tiennes ferme dans les difficultés, qu'ils ne se compromettent point, mais que ta grâce les suffise, Père de gloire. Nous prions pour la faveur sur tes enfants. Nous prions pour tes grâces sur tes enfants. Nous prions pour ta miséricorde, Seigneur. Nous prions, au Dieu de gloire, que ta protection parle plus que les pièges de l'ennemi. Que ta protection, Seigneur, parle. Ta bienveillance parle plutôt que les accusations de l'ennemi. Seigneur, chaque fois, les pensées sont bombardées par les pièges de l'ennemi. Chaque fois, oh Dieu de gloire, le monde, oh Dieu de gloire, et ses attraits tirent et attirent tes enfants vers eux. Père, nous prions, oh Dieu de gloire, que tu nous donnes de ne pas nous compromettre sur quoi que ce soit. D'avoir le regard constamment fixé sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Que nous comprenons, oh Dieu de gloire, que notre délivrance est proche. Mais que nos têtes soient levées et que nos regards soient fixés dans les cieux, Père. Nous prions, oh Dieu de gloire, que tous les désirs du monde, dans chaque chrétien, Seigneur, meurent, oh Dieu, afin que nous servons le Dieu vivant et vrai. Donne-nous d'abandonner chacun nos idoles de nos vies. Tous ces petits idoles, Père de gloire, nos beautés personnelles, notre personnalité, que nos cultes de personnalité, nos travaux, qui sont les idoles que nous avons gardées sur notre cœur, que nous ne parvenons pas à lâcher pour te suivre. Donne-nous, oh Dieu de gloire, de comprendre qu'il faut abandonner ces idoles avant de suivre le Dieu véritable et vrai. Et de compter sur toi chaque jour. Oh Seigneur, nous comptons sur toi, effectivement. Nous comptons sur toi parce que toutes ces soirées, Père de gloire, nous comptons que chaque frère que nous avons mentionné ici et ceux que nous ne connaissons pas, nous connaissons, oh Dieu de gloire, nous savons que tu vas les exaucer, que tu vas les visiter chacun pour sa part. Et Père, nous savons que notre prière a été exaucée. Voilà pourquoi nous élevons nos voix pour te dire merci pour ces sujets de prière. Merci, Père de gloire, pour ces frères bien-aimés dans le monde entier. Merci pour ta protection. Merci pour tes grâces, pour tes faveurs. Merci pour ta bienveillance. Merci, au Père de gloire, pour tout ce que tu vas faire dans leur vie. Merci, au Père de gloire, pour ces frères qui sont ici assemblés avec moi. Merci pour tous ceux qui sont prosternés maintenant, Père, élevant les prières pour ces bien-aimés dans le monde entier. Seigneur, c'est en conformité à ta parole. Si tout souffre, si un souffre, tout souffre ensemble. Nous souffrons ici, nous sommes à genoux, Père de gloire, pour souffrir avec nos frères dans le monde entier. Parce que nous savons combien de fois ils ont prié pour te demander de les éloigner du péché. Nous savons combien de fois beaucoup d'entre eux se battent avec des péchés et ne parviennent pas à s'en sortir. Et nous savons et nous croyons qu'avec nos genoux au sol, Père de gloire, Seigneur Dieu de gloire, tu vas triompher dans leur vie. Amen. Que ton nom seul soit élevé. Amen. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié pour tous ces frères. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Veuillez vous lever, venez vous lever. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment.